donne toi Chavani, Chavana, me donne toi mets-moi dormi dans ma marée noire. Chavani, Chavana, me donne toi mets Chavana, Chavani, me donne toi Chavana, Chavani, me donne toi mets-moi dormi dans ma marée noire. Mets-moi dormi dans ma marée noire. Make me.